Premier livre des Rois, chapitre 21. Or il arriva après ces choses, que Naboth Jizréélite, ayant une vigne à Jizréel, près du palais d'Achab, roi de Samarie, Achab parla à Naboth, et lui dit, « Cède-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin de verdure, car elle est proche de ma maison, et je t'en donnerai pour celle-là une meilleure, ou si cela t'accommode mieux, je t'en donnerai l'argent qu'elle vaut. » Mais Naboth répondit à Achab, « À Dieu ne plaise que je te cède l'héritage de mes pères. » Et Achab vint en sa maison tout refrogné et indigné pour la parole que lui avait dite Naboth Jizréélite, en disant, « Je ne te céderai point l'héritage de mes pères », et il se coucha sur son lit, et tourna son visage, et ne mangea rien. Alors Isobel sa femme entra vers lui, et lui dit, « D'où vient que ton esprit est si triste, et pourquoi ne manges-tu point ?» Et il lui répondit, « C'est parce qu'ayant parlé à Naboth Jizréélite, et lui ayant dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu l'aimes mieux, je te donnerai une autre vigne pour celle-là », il m'a dit, « Je ne te céderai point ma vigne. » Alors Isobel sa femme lui dit, « Serais-tu maintenant roi sur Israël ? Lève-toi, mange quelque chose, et que ton cœur se réjouisse, je te ferai avoir la vigne de Naboth Jizréélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Achab, laissez-la du sceau du roi, et elle envoya ses lettres aux anciens et magistrats, qui étaient dans la ville de Naboth, et qui demeuraient avec lui. Et elle écrivit dans ses lettres ce qui s'ensuit, publiez le jeûne, et faites tenir Naboth au bout du peuple. Et faites tenir deux méchants hommes vis-à-vis de lui, et qu'ils témoignent contre lui, en disant, « Tu as blasphémé contre Dieu, et mal parlé du roi, puis vous le mènerez dehors, et vous le lapiderez, et qu'il meure. » Les gens donc de la ville de Naboth, savoir les anciens et les magistrats qui demeuraient dans ces villes, firent comme Isobel leur avait mandé, et selon qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Car ils publièrent le jeûne, et firent tenir Naboth au bout du peuple. Et deux méchants hommes entrèrent, et se tinrent vis-à-vis de lui, et ces méchants hommes témoignèrent contre Naboth en la présence du peuple, en disant, « Naboth a blasphémé contre Dieu, et il a mal parlé du roi, puis ils le menèrent hors de la ville, et l'assommèrent de pierre, et il mourut. » Après cela ils envoyèrent vers Isobel, pour lui dire, « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Et il arriva qu'aussitôt qu'Isobel eut entendu que Naboth avait été lapidé, et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth Jizréélite, qui avait refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, mais il est mort. » Ainsi dès qu'Achab eut entendu que Naboth était mort, il se leva pour descendre en la vigne de Naboth Jizréélite, et pour s'en mettre en possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Tisbite, en disant, « Lève-toi, descends au-devant d'Achab roi d'Israël, lorsqu'il sera à Samarie, voilà il est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour s'en mettre en possession. Et tu lui parleras, en disant, « Ainsi a dit l'Éternel, n'as-tu pas tué, et ne t'es-tu pas même mis en possession ?» Puis tu lui parleras ainsi, et diras, « Ainsi a dit l'Éternel, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé toi, mon ennemi ?» Mais il lui répondit, « Oui, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui déplaît à l'Éternel. Voici je m'en vais amener du mal sur toi, et je t'exterminerai entièrement, et depuis l'homme jusqu'à un chien, je retrancherai ce qui appartient à Achab, tant ce qui est serré, que ce qui est délaissé en Israël. Et je mettrai ta maison au même état que j'ai mis la maison de Jéroboam fils de Nébat, et la maison de Baasa, fils d'Aïja à cause du péché par lequel tu m'as irrité, et a fait pécher Israël. » L'Éternel parla aussi contre Isobel, disant, « Les chiens mangeront Isobel près du rempart de Jizréel. Celui qui appartient à Achab, et qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront. » En effet il n'y en avait point eu de semblable à Achab, qui se fût vendu pour faire ce qui déplaît à l'Éternel, selon que sa famille Isobel l'induisait. De sorte qu'il se rendit fort abominable, allant après les dieux de fiente, selon tout ce qu'avaient fait les Amoréens que l'Éternel avait chassé de devant les enfants d'Israël. Et il arriva qu'aussitôt qu'Achab eut entendu ces paroles, il déchira ses vêtements, et mit un sac sur sa chair, et jeûna, et il se tenait couché, enveloppé d'un sac, et se traînait en marchant. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Thisbite, en disant, « N'as-tu pas vu qu'Achab s'est humilié devant moi? Or parce qu'il s'est humilié devant moi, je n'amènerai point ce mal en son temps, ce sera au jour de son fils que j'amènerai ce mal sur sa maison. »